téléchargez l'application Radio France pour découvrir, écouter des milliers de podcasts et toutes vos radios en direct. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, et à 5 jours de la présidentielle américaine, plongée vertigineuse dans les coulisses de la dernière campagne, en 2016, entre soupçons d'ingérence étrangère et scandale sur l'usage d'un compte de messagerie privée. Il y a un peu plus de 2 ans, la revue America publiait un dossier exceptionnel sur l'histoire du FBI et sur son enquête, toujours en cours, qui cible l'actuel président des États-Unis, Donald Trump. Au fil des pages, on découvre ainsi les arcanes du FBI, cette super police devenue au fil des décennies l'une des plus puissantes centrales de renseignement de la planète. Une agence dont l'histoire est constellée de coups d'éclat au service des différents présidents américains et parfois même contre eux. Or, lors de la campagne de 2016, qui fut l'une des plus serrées, le FBI a joué un rôle de premier plan, apparemment aux dépens d'Hillary Clinton. Et ce n'est pas tout. La sortie des mémoires de l'ancien patron de l'agence, James Comey, lève le voile sur une autre enquête de grande envergure, menée au même moment, mais cette fois sur les liens troubles entre le candidat Trump et la Russie. Pendant cette semaine de vacances de la Toussaint qui se termine, cette émission est une rediffusion d'un numéro diffusé en mai 2018, d'où un certain décalage temporel, parfois, entre ce qui est dit dans le récit et ce que peut nous dire notre invité, en duplex de New York, Philippe Coste, journaliste indépendant basé aux États-Unis. Il est l'auteur d'une passionnante enquête sur le sujet que vous pouvez retrouver dans les colonnes de la revue America, notre partenaire, aujourd'hui. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat également, et comme d'habitude avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barère, réalisation David Jacubovies. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Do you think President Pensez-vous Trump que le président Trump ait été compromis par les Russes? I don't know. Je ne sais pas. Je ne pensais pas qu'un jour je serais amené à parler de ça à propos d'un président américain, mais oui, c'est possible. Je ne dis pas qu'il l'est. Je ne sais pas, mais il faut être honnête, c'est possible. Et quelle est cette possibilité à laquelle vous faites allusion? Celle qui induit que Trump soit compromis? Évidemment, il est plus facile de dire qu'il n'est pas compromis, mais la raison pour laquelle je dis que c'est possible, c'est qu'on ne peut pas écarter la possibilité que les Russes disposent de quelque chose dans son parcours personnel pour l'influencer. Je ne sais pas exactement ce que c'est, si c'est à propos de l'épisode dans la chambre d'hôtel de Moscou, ou de ses finances ou quelque chose d'autre. Encore une fois, je ne veux pas statuer et je ne dis pas que c'est le plus probable. Je dis juste que de manière honnête, face à vous, c'est possible. Les propos que vous venez d'entendre datent du 16 avril dernier. Ce jour-là, l'ancien directeur du FBI, James Comey, reçoit à son domicile 2 journalistes du quotidien américain USA Today. L'échange est cordial, le ton lui est décontracté. Vêtu d'un costume sombre et d'une chemise claire, le col ouvert, James Comey aborde pour la première fois, face à une caméra, les affaires qui ont marqué sa carrière à la tête de la police fédérale américaine. À 57 ans, celui qui fut tour à tour avocat, procureur, puis professeur de droit et enfin pendant 4 ans le patron du FBI, eh bien ce même homme laisse aujourd'hui derrière lui une image mitigée pour l'agence et le sentiment d'un travail inachevé. Si pour une majorité des Américains, en effet, James Comey incarne la probité, l'engagement au service de son pays et le désir de justice, pour d'autres, l'ancien directeur du bureau d'investigation est la figure de proue d'un mouvement de déstabilisation de l'exécutif. Point de départ de ce déchaînement médiatique, l'enquête que James Comey et le FBI ont menée sur une possible ingérence russe lors de la campagne électorale de 2016. Sujet qui, notons-le, empoisonne toujours le débat politique aux États-Unis au moment où nous parlons. Afin de répondre à ses détracteurs et de justifier son action, James Comey publie aujourd'hui un livre autobiographique intitulé « Mensonges et vérité, une loyauté à toute épreuve ». Dans cet ouvrage de 380 pages, l'ancien directeur du FBI revient en détail sur l'affaire de l'ingérence russe. Il raconte le travail de l'ombre de ses agents, il liste le faisceau d'indices concordants, il énumère les recoupements probants. Enfin, il explique les raisons pour lesquelles toute cette enquête a été gardée secrète, jusqu'à l'élection. Au fil des pages, James Comey revient également sur son audition devant le Sénat au mois de juin 2017. Un épisode qui l'a propulsé à la une de l'actualité lorsque lui, l'ancien directeur du FBI, a révélé avoir subi des pressions de la part de Donald Trump pour abandonner un volet de son enquête sur l'ingérence russe, précisément. Et puis, désormais libre de sa parole, James Comey dresse un portrait sans filtre de l'homme qui occupe désormais le bureau ovale de la Maison-Blanche. À propos de cette comparaison que vous faites dans votre livre, celle où vous assimilez Donald Trump à un parrain du crime organisé, avez-vous eu cette idée dès votre première rencontre avec le président, ou est-ce venu plus tard ? En fait, la comparaison avec l'organisation d'une famille de la Cosa Nostra ou d'une famille mafieuse m'a sauté aux yeux tout de suite. Et je trouvais cela tellement dramatique que j'ai voulu la repousser. Mais elle revenait. Pas au sens où Donald Trump est le genre de personne à vous briser les jambes ou vous faire trembler de peur, mais au sens où la culture du leadership est très similaire. Tout se concentre sur le chef. Et tout ce qui est fait dans cette famille sert les intérêts du chef. Et on vous juge entièrement sur votre loyauté à ce chef. Et où vous êtes prêt à faire n'importe quoi, dire n'importe quoi au service du chef et de la famille. Si pour le New York Times et le Washington Post, le livre de l'ancien directeur du FBI est, je cite, « un outil indispensable pour comprendre les rouages de cette affaire qui menace directement le pouvoir exécutif américain », à la Maison-Blanche, en revanche, et bien sûr, la garde rapprochée du président considère l'ouvrage comme une provocation. Alors, sur Twitter, son arme de prédilection, Donald Trump franchit une nouvelle fois la ligne jaune que lui impose sa fonction de chef de l'État. Il déclare « James Comey est un menteur et une raclure. Presque tout le monde à Washington pensait qu'il aurait dû être viré pour le terrible travail qu'il faisait jusqu'à ce qu'il soit, de fait, viré. » Et Trump conclut « Ce fut un grand honneur pour moi de limoger James Comey. » C'était en mai 2007, l'épisode reste une première. Mai 2017, l'épisode reste une première dans l'histoire des États-Unis et nombreux sont les observateurs qui ont vu une conséquence directe de l'enquête du FBI dans l'affaire de l'ingérence russe lors de la campagne de 2016. Voilà, le directeur du FBI limogé, tout aurait pu s'arrêter là. Mais le ministère de la Justice américain va faire un autre choix. Dans la foulée, il charge le procureur spécial, Robert Mueller, de poursuivre l'enquête. Considéré par le clan Trump comme une chasse aux sorcières, les investigations de Robert Mueller se déroulent dans un climat extrêmement tendu. Après plusieurs mois d'un travail intense, 20 personnes sont inculpées pour conspiration contre les États-Unis. Et parmi elles, 4 anciens conseillers de Donald Trump. On trouve aussi plusieurs personnes liées au service de renseignement russe. À Washington, derrière les grilles et les rideaux feutrés de la Maison-Blanche, Donald Trump dément, lui, toute implication dans l'affaire. Sans prévenir, le président dégaine une nouvelle fois son smartphone et tweet. « Aujourd'hui, le procureur a établi qu'il n'y a eu aucune collusion dans cette affaire. » Dans le monde des médias, on appelle ça une fake news. Au mois de mai 2018, le département de la justice, là, aujourd'hui, poursuit ses investigations et Robert Mueller continue ses auditions. Et plus le temps passe, plus le cercle du soupçon se transforme peu à peu en un triangle de la culpabilité, Donald Trump étant l'épicentre. Pour comprendre ce qui se joue en toile de fond de toute cette affaire, il est nécessaire de revenir 2 ans plus tôt, à une période où la course à la Maison-Blanche battait son plein et où les candidats Clinton et Trump se livraient bataille pour décrocher la Lune, autrement dit le bureau ovale. Je suis ici aujourd'hui parce que je crois en Hillary Clinton. Je sais qu'Hillary en est capable, et c'est pourquoi je suis fier de soutenir la candidature d'Hillary Clinton à la présidence des États-Unis d'Amérique. 5 juillet 2016, à la tribune du centre de conférence de Charlotte, en Caroline du Nord, le président américain en exercice, Barack Obama, harangue la foule. Partout aux États-Unis, la course pour l'élection présidentielle alimente les débats. Car l'échéance approche, il ne reste plus que 4 mois aux deux candidats pour convaincre l'opinion. Les sondages placent la démocrate Hillary Clinton et le candidat républicain Donald Trump au coude à coude. La lutte est incertaine. Dans un camp comme dans l'autre, les discours enflammés s'enchaînent. Provocation contre protestation, accusation contre dénonciation. Trump et Clinton s'écharpent, puis tous les coups semblent permis. Et c'est alors qu'un troisième acteur entre en scène, le FBI, Bureau fédéral d'investigation. Lors d'une conférence de presse exceptionnelle, son directeur, James Comey, rend public les résultats d'une enquête qui accable le camp Clinton. Dans les grandes lignes, la candidate démocrate aurait fait preuve d'une extrême négligence en ayant hébergé des emails classifiés sur des serveurs personnels non protégés. Donc, l'affaire n'a rien de nouveau. Voilà plus d'un an que le New York Times a révélé que lorsqu'elle était secrétaire d'État, Hillary Clinton avait utilisé sa messagerie privée pour envoyer et recevoir des courriers professionnels. Mais remise au goût du jour, en pleine course à la présidence, les nouvelles accusations de James Comey font l'effet d'une bombe. D'autant que pendant longtemps, Hillary Clinton avait démenti publiquement avoir utilisé cette messagerie privée à des fins politiques et diplomatiques. Dans les colonnes du quotidien américain, le Washington Post, plusieurs journalistes s'interrogent sur cet étrange hasard du calendrier. Pourquoi le directeur du FBI a-t-il décidé de reprendre l'enquête sur les emails en pleine course électorale ? Sur quels éléments ces agents se basent-ils pour parler de négligence grave ? À toutes ces questions, le Bureau fédéral d'investigation botte en touche. James Comey se refuse à tout commentaire, ce qui alimente bien sûr les spéculations et les rumeurs les plus folles. Pour Donald Trump, alors empêtré dans les critiques sur ses déclarations jugées homophobes après la tuerie d'Orlando et sur ses propos racistes contre les immigrants mexicains, il s'agit là d'une incroyable opportunité de renverser la campagne. Le président républicain s'engouffre alors dans la brèche et il use et abuse de l'affaire. Lors d'un meeting à Memphis dans le Tennessee, par exemple, il affirme au micro « Si on s'en tient aux lois de notre pays et à notre constitution, ce qu'a fait Hillary Clinton est très grave. » Et il poursuit, évidemment, cette bonne guerre. Êtes-vous prêt à prendre le risque de voter pour une présidente qui pourrait aller en prison ? C'est une menteuse de première. Regardez son témoignage pathétique à propos de l'affaire des emails, ou l'histoire lors de son arrivée. Oui, l'histoire de son arrivée en Bosnie lorsqu'elle a dit qu'elle avait été attaquée avant qu'on se rende compte que face à elle, c'était deux petites filles qui tenaient des fleurs. Un canular complet, c'est ça son but, se servir à 100% de ses mensonges. A total and self-serving lie. Durant tout l'été 2016, le scénario tourne à l'avantage du candidat républicain. Il attaque, pendant qu'elle, Hillary, se défend comme elle peut, acculée, dans les cordes. En France, l'opinion assiste avec vertige à cette passe d'armes. Mais ce que le grand public ignore, c'est qu'au même moment, derrière les épaisses vitres de verre d'un building de Washington, le FBI travaille déjà sur un autre dossier, celui d'une possible ingérence étrangère pour déstabiliser l'élection. Au 935 Pennsylvania Avenue à Washington, siège central du FBI, James Comey réunit ses plus proches collaborateurs pour un briefing de crise. Depuis plusieurs semaines, en effet, la CIA lui a transmis des documents inquiétants. On y trouve des éléments qui indiquent que le gouvernement russe essaierait d'interférer dans l'élection présidentielle américaine. D'une part, Moscou chercherait à saper la crédibilité du système démocratique américain en utilisant les réseaux sociaux pour faire circuler des informations contradictoires, diffuser les fake news et ainsi alimenter le spectre d'un complot derrière le résultat de l'élection. D'autre part, les Russes veulent nuire aux intérêts d'Hillary Clinton et favoriser Donald Trump. La candidate du Parti démocrate étant jugée depuis longtemps comme une ennemie du Kremlin. À l'inverse, le candidat républicain intéresse les Russes car il serait disposé, lui, à faire des concessions et à négocier sur des sujets, disons, sensibles. Parmi les preuves dont dispose James Comey, il y a le compte-rendu d'une attaque menée par des hackers russes. Quelques mois plus tôt, ces mêmes hommes ont tenté de pirater les bases de données électorales américaines et surtout, ils ont réussi à voler des milliers de courriels à des organisations et à des individus associés au Parti démocrate. À cela s'ajoutent de multiples rencontres entre des proches de Donald Trump et des personnalités russes proches de Vladimir Poutine. Autant d'éléments qui poussent le FBI à ouvrir une enquête. La grande question qui reste alors en suspens est celle de l'opinion publique, comme il se doit dans une démocratie qui se respecte. Alors, faut-il oui ou non alerter le peuple américain ? Dans son livre, James Comey revient sur ce moment clé de la campagne. Lors d'un entretien privé, j'ai informé le président que j'étais plutôt favorable à la diffusion de cette information. Mais je lui ai aussi indiqué qu'elle risquait d'aider les Russes à saper la confiance de nos concitoyens envers notre système électoral. En effet, si vous dites aux Américains que les Russes falsifient l'élection, est-ce que vous semez le doute concernant le résultat ou est-ce qu'au contraire vous offrez une excuse aux perdants ? La question était extrêmement délicate. Le président Obama comprenait clairement le dilemme. Et il était déterminé à empêcher les Russes de mener leur projet à terme. Au même moment, les sondeurs et la quasi-totalité des personnalités politiques à Washington sont unanimes. Donald Trump n'a aucune chance de remporter l'élection de novembre. Oui, chacun est convaincu que le phénomène qui entoure le candidat républicain va s'effondrer à l'approche de l'échéance électorale. Et chacun finit par se convaincre que les Américains feront le bon choix, qu'ils voteront pour Hillary, que ce soit par conviction ou par défaut. À la Maison-Blanche, Barack Obama affirme même à l'un de ses proches conseillers que sur ce coup-là, Poutine a parié sur le mauvais cheval. Le président américain est à ce point convaincu de la victoire d'Hillary Clinton qu'il décide de ne pas ébruiter l'affaire de l'ingérence russe. Pourquoi, en effet, offrir à Trump l'opportunité de l'accuser, lui, Obama, après coup d'avoir fait peur au peuple américain et d'avoir tenté d'influencer le résultat de l'élection ? Les semaines et les mois passent. Dans le plus grand secret, James Comey et le FBI continuent leurs investigations. Au début du mois d'octobre 2016, dernière ligne droite avant le scrutin, Hillary Clinton fait la course en tête. L'embarrassante affaire des emails n'est plus qu'un lointain souvenir. Malgré un léger malaise de la candidate démocrate en public, les médias se concentrent sur les frasques de son adversaire Donald Trump et en particulier sur un enregistrement dans lequel on entend le candidat républicain se vanter de séduire des femmes mariées. Dans cette vidéo réalisée en caméra cachée, Trump fanfaronne et affirme attraper les femmes par la chatte. Je le cite, bien sûr, rendu public. Son contenu provoque une vague d'indignation, bien sûr, et laisse à penser que cette fois c'est fait. L'autre est fou, Clinton va l'emporter. Il est inconcevable de voter en effet pour un zozo pareil, un type d'une vulgarité que la fonction présidentielle ne saurait supporter. Le FBI, lui, s'apprête une nouvelle fois à s'immiscer dans la campagne électorale et à relancer la course à la Maison-Blanche. Cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. You ain't a killing off good young nigga move. When we get hungry, we eat the same fucking food, the ramen noodle. This simple voodoo is so maniacal, reliable to pull a juju. The irony is that this bad bitch in my lab, she don't tell me she make money, she don't study that. She gon' give it to me, ain't gon' tell me nothing back. She gon' take the brain away the place she sit on that. The doors are signs with it, don't try to rhyme with it. VH1 has a show that you can waste your time with. Guilty pleasures take the edge off reality. And for a salary, I'll probably do that just sporadically. The OG Gucci boots are smitten with iguanas. The IRS piranhas see a nigga getting common. Niggas in the hood living in a fishbowl. Gentrify here, now it's not a shithole. Trendsetter, I know, my shit's cold. Hand set up, baby, cause I ain't so bold. But hey, all you black folks, you must go. All you Mexicans, you must go. And all you poor folks, you must go. Muslims and gays, boy, we hate your ways. in the smog of new media that logs false narratives of guys that came up against the odds. We're not just nigga rappers with the bars. It's kismet that we're cosmic with the stars. You bastards overlooking street art, better yet street smart, but you keep us off the charts. Some of the fuck your numbers and your statistician. Fuck y'all know about true competition. Just like the AO picture on there talking about he hitting. Yeah. The only one who's hitting are the ones that's currently spitting. We got your Missy smitten, rubbing on a little kitten, dreaming of a world that's equal for women with no division. Boy, I tell you that's vision. Like Tony Romo when he hitting with him. To try and be the best in a division. Shaheed Muhammad cut it with precision. Who can come back years later, still hit the shot? Still I'm trying to move you off the fucking block. Babylon, blood clot. Droop on your head, top. All you black folks, you must go. All you Mexicans, you must go. France Inter. Listen anyway. Le 7-9. Bonjour Bernard Guetta. Bonjour à vous. Ce matin, le suspense américain. Eh bien non, cette élection n'est pas pliée. L'écart entre Hillary Clinton et Donald Trump s'est sensiblement resserré ces derniers jours, même si la candidate démocrate est encore loin d'avoir perdu. Elle garde l'avantage dans les sondages nationaux, mais alors qu'elle faisait course en tête avec près de 6 points d'avance depuis plus de 2 semaines, son adversaire républicain n'a désormais plus qu'un retard de moins de 4% des intentions de vote, et cette évolution est particulièrement sensible en Floride. Alors à quoi tient ce rebondissement ? Eh bien au FBI, au Bureau fédéral d'investigation, la police fédérale, dont le directeur a annoncé vendredi dans une lettre au Congrès qu'il rouvrait une enquête contre Hillary Clinton. Il s'agit là d'un nouvel épisode, le énième, de l'affaire des mails que l'ancienne secrétaire d'État avait envoyé à partir de sa messagerie privée, alors qu'elle aurait dû passer dans l'exercice de ses fonctions par les systèmes cryptés de l'appareil diplomatique américain. En cette fin du mois d'octobre 2016, à seulement 10 jours du scrutin présidentiel, le FBI, une nouvelle fois, fait une entrée remarquée dans la course à la présidentielle. James Comey et ses agents mettent la main sur un ordinateur portable, dans lequel sont stockés des centaines de milliers de courriels provenant d'Hillary Clinton. Des pièces à conviction qui prouvent que dès le début de ses fonctions à la tête du département d'État, la candidate du Parti démocrate a bafoué et violé toutes les règles de sécurité les plus élémentaires. Conscient de la gravité de la situation, James Comey alerte immédiatement le département de la justice et le Congrès. Il explique que sur la base de ces nouveaux éléments, il doit rouvrir l'enquête. L'information fuite immédiatement dans la presse. Et voilà Hillary Clinton engluée dans le scandale. Donald Trump, lui, en profite pour remonter dans les sondages au niveau de la candidate démocrate. Oui, désormais seulement 1,3 d'intention de vote les sépare. Mais quelle que soit l'issue de l'élection, de nombreux observateurs politiques dressent un constat sévère. Par sa violence verbale, par ses attaques sur le plan personnel, par le clivage idéologique qu'elle illustre, cette campagne électorale aura révélé toutes les tensions qui plombent le pays. Pire, que ce soit Clinton ou Trump qui l'emporte, une large partie de la population refusera d'être dirigée par une femme au parcours gangréné par les affaires ou par un homme qui promet de faire avancer le pays au rythme de la haine et du mépris. Depuis son QG de campagne à New York, Hillary Clinton réagit face à la presse et demande à ce que les Américains puissent connaître toute la vérité sur cette affaire dite des emails. Nous sommes à 11 jours de l'élection présidentielle, peut-être la plus importante de l'histoire récente. Un peu partout, les gens ont déjà commencé à voter, donc les Américains méritent de connaître les faits exacts et complets immédiatement. Le directeur du FBI a lui-même dit qu'il ne savait pas si le contenu des emails dont il parle est significatif ou pas. Je suis certaine, quel qu'il soit, qu'ils ne changeront pas la conclusion tirée au mois de juillet. Néanmoins, il est impératif que le FBI explique sans délai tout ce dont il est question. Pour ma part, j'ai l'intention de continuer à me concentrer sur les défis importants qui attendent les Américains, sur la victoire le 8 novembre et sur mon travail avec tous les Américains pour bâtir un meilleur futur pour notre pays. À Alors qu'Hillary Clinton tente de sauver la face et par la même occasion de sauvegarder ses chances dans la course à la Maison Blanche, Donald Trump, lui, poursuit son entreprise de dénigrement. Le candidat républicain avance ses pions et peut compter sur le relais d'une partie de la presse, pas celle acquise à sa cause, Fox News, Breitbart News. À chaque fois, leurs journalistes prennent pour argent comptant les déclarations du candidat républicain. Il relaie ces mêmes déclarations, parfois véhémentes, souvent outrancières, de l'ancien businessman de Wall Street. Et il donne du crédit à de simples tweets ou à de brèves remarques. Dans le quotidien britannique Guardian, des journalistes dénoncent une presse américaine devenue, selon eux, un outil non plus au service du public, mais un organe de propagande au service des candidats eux-mêmes. Et puis, depuis quelques semaines déjà, une rumeur circule. Il y aurait ingérence étrangère dans la campagne en faveur de Donald Trump. Hypothèse sans fondement, tentative désespérée des Clinton pour spoiler les Américains de leur élection. Pour le camp républicain, toutes les explications sont bonnes pour donner à cette spéculation des airs de théorie de complot. À la tribune, le principal intéressé, Donald Trump, préfère dénoncer, lui, les manœuvres du camp Clinton. À celui qui tentera de remettre en question leur contrôle sera traité de sexiste, de raciste, de xénophobe et sera traîné dans la boue. Ils vont vous attaquer, ils vont vous écraser. Ils vont tout faire pour ruiner et détruire votre carrière et votre famille. Ils vont tout tenter pour détruire tout ce que vous avez, incluant votre réputation. Ils vous mentiront encore et encore, et ils feront même pire que ça. Ils feront tout ce qui leur semblera nécessaire, car les Clinton sont des criminels, n'oubliez pas ça, ce sont des criminels. En coulisses, le directeur du FBI, James Comey, multiplie les réunions à la Maison Blanche. Conscient de la gravité de la situation, Barack Obama suit heure par heure l'enquête des agents fédéraux. Au fil des semaines, ces derniers ont identifié une dizaine d'individus, tous proches conseillers de Donald Trump, qui ont eu des contacts répétés avec des personnalités politiques ou industrielles russes. Dans cette liste, on trouve aussi le fils et le gendre de Donald Trump. Scandale autour de l'affaire des emails, soupçons d'ingérence dans la campagne. La dernière semaine avant l'élection présidentielle américaine est très tendue. Partout aux États-Unis, le débat s'emballe et il prend par endroits une tournure folle. Et avec lui, le doute s'installe. La tension est pesante. Chaque camp tente de faire plier l'autre, au point que le débat politique, jusqu'ici pollué par les affaires, se noie maintenant dans les critiques, les attaques ou les invectives que se lancent à distance Hillary Clinton et Donald Trump. Si bien qu'au micro de France Culture, des Américains témoignent de leur dégoût pour les deux candidats à l'élection. Qu'est-ce qui fait le plus peur? Quelqu'un qui ment aux gens du FBI? Qui dévoile des secrets d'État à n'importe qui? Ou quelqu'un qui est seulement grossier? C'est tout ce qu'ils ont contre elle? Des emails? C'est la chose la plus ridicule. Alors que lui, c'est un raciste, c'est un arnaqueur. Ça sera la première fois depuis que j'ai 18 ans que je ne vote pas lors d'une présidentielle. Je ne veux pas mettre mon tampon d'approbation sur un de ces candidats. C'est dans ce contexte que se déroulent les élections du 8 novembre. Au terme d'une campagne sans panache et de débats sans idée, plus de 240 millions d'électeurs sont appelés à choisir celui ou celle qui sera le ou la 45e président des États-Unis. Suivi dans le monde entier, la soirée des résultats tient en haleine l'opinion publique. État par état, les résultats arrivent au compte-gouttes. En Californie, Clinton l'emporte. Au Texas, Trump réalise son meilleur score. À Clinton, l'Illinois. À Trump, la Floride. Un chiffre retient néanmoins l'attention, c'est celui de l'abstention. Elle atteint les 45%. Au milieu de la nuit, les premières estimations tombent. Enfin, Hillary Clinton devance Donald Trump de plus de 3 millions d'électeurs. Mais le candidat républicain remporte l'élection au nombre des grands électeurs. 304 contre 227 et devance donc son adversaire démocrate. Voilà, Trump est élu, James Comey, le directeur du FBI, poursuit son enquête sur les liens entre la Russie et le nouveau président. La première rencontre entre James Comey et Donald Trump a lieu 2 mois plus tard, le 6 janvier 2017, une semaine avant la cérémonie d'investiture à Washington. Dans son livre, Comey raconte la scène. « C'était la première fois que je voyais le président élu en face à face. Il était comme à la télé, veste ouverte, cravate trop longue, visage bronzé, impressionnante, tignasse blonde. Bien, nous sommes entrés dans une petite salle de conférence. Là, il y avait le vice-président Pence et une ribambelle de conseillers. J'étais accompagné du directeur de la CIA, de celui de la NSA et de 5 autres agences fédérales. Trump menait les débats avec un mélange d'assurance et d'humilité. Puis, nous avons eu un moment face à face, lui et moi. Devant le président élu, le directeur du FBI ne se défile pas. Il explique que ses agents enquêtent depuis plusieurs mois sur une possible ingérence russe dans la campagne électorale. Que ces derniers ont réuni des preuves flagrantes de l'implication de plusieurs de ses conseillers dans cette affaire. Enfin, James Comey met au camp Donald Trump des allégations selon lesquelles le nouveau président aurait été filmé par les Russes en plein débat avec des prostituées dans un hôtel de Moscou en 2013. Épisode dans lequel Trump aurait demandé aux femmes présentes autour de lui d'uriner mutuellement dans le même lit que celui utilisé par le couple Obama lors de la visite d'État dans la capitale russe. Trump interrompt alors Comey. Il dément formellement. Comey explique qu'il est du devoir du FBI de protéger le président et de savoir ce qu'il y a derrière cette affaire. Il précise que le bureau d'investigation ne poursuit aucune enquête contre lui, non. Et la discussion se termine. Les deux hommes se séparent. Trump rappelle Comey pour démentir une nouvelle fois. Le nouveau président semble vraiment prendre cette affaire au sérieux. Au début du mois de février 2017, debout face à la fenêtre de son bureau de Washington, James Comey observe l'immeuble du Capitole. Seul, face aux lumières de la ville, il se met à penser tout bas. Que nous est-il arrivé à notre pays et à moi ? Comey sort alors voir son chef de cabinet et lui lance « Le monde est devenu fou et je me retrouve coincé en plein milieu ». Moins de 3 mois plus tard, le directeur du FBI sort à Limoges. I give you power. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Donald Trump, Hillary Clinton et le FBI. Notre invité en duplex avec nous de New York, Philippe Coste. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien, c'est parfait. Vous êtes journaliste indépendant basé aux États-Unis. Vous avez été pendant 20 ans le correspondant du journal L'Express dans ce pays. Et vous êtes l'auteur d'une enquête passionnante que le lecteur peut retrouver dans les colonnes de la revue America, notre partenaire aujourd'hui. Philippe Coste, 2 ans après le début de l'enquête, et avant toute chose, où en est la justice américaine sur l'affaire de l'ingérence russe, présumée, lors des élections de 2016? Pour l'instant, le procureur Mueller, qui est en charge de l'enquête et qui a dépêché d'ailleurs plusieurs centaines d'agents du FBI sur cette affaire, on ne sait pas exactement quels sont les éléments que le procureur a pu jusqu'à présent ramasser. On sait que 2 personnes ont déjà été inculpées pour fausses déclarations au FBI, sans qu'on sache sur le fond exactement quelle est leur implication dans une ingérence russe. Paul Manafort, d'une certaine, le premier qui a été le directeur de campagne de Trump pendant 4 à 5 mois, a été inculpé pour différentes malversations financières. Les soupçons se tournent vers lui, notamment en ce qui concerne ses contacts avec l'Ukraine et avec plusieurs personnalités membres de l'oligarchie proche de Poutine. Aussi, un autre élément, c'est une autre personne qui a été inculpée, George Papadopoulos, qui est un ancien, je dirais, subalterne de la campagne de Trump, mais qui avait pris l'initiative de prendre des contacts en Russie, s'était rendu en Russie à plusieurs périodes, plusieurs fois, et avait déjà parlé justement d'éléments que la campagne de Trump aurait pu collecter déjà, recevoir de la part de Russes ou de WikiLeaks, enfin le contenu de beaucoup d'emails qui avaient été déjà piratés par les Russes se retrouvaient comme par hasard, je dirais, dans l'entourage de Trump peu avant la campagne. Ça veut dire que on ne sait pas s'il y a des preuves, il y a peut-être, pour l'instant on ne le sait pas, mais en fait l'enquête continue. Je dirais qu'il y a du grain à moudre, l'enquête, cette affaire-là est loin d'être terminée, on est bien d'accord. Ah, elle est loin d'être terminée pour l'instant. Enfin, on se rapproche, disons, des éléments principaux, puisqu'on a pu voir déjà par une fuite étrange qui vient de se produire, l'ensemble des questions que la justice et que le procureur pourraient poser directement à Donald Trump si celui-ci était obligé de faire une déposition directement devant la justice. Or, on se rend compte qu'il y a une sorte une série de coïncidences absolument extraordinaires dans les contacts de son entourage, dans la coïncidence et de ses discours de campagne avec des fuites ou avec des éléments qui avaient déjà pu être piratés par les Russes. Il y a des réunions des plus suspectes à la Trump Tower où le fils de Donald Trump se trouve, aussi bien que son gendre, où tout l'entourage de Trump tente d'utiliser les services ou du moins l'aide officielle russe pour influer sur la campagne. Ce sont des éléments pour l'instant épars. Beaucoup d'avocats des différentes personnes concernées sont à l'origine de certaines fuites, mais rien pour l'instant ne vient directement de Robert Mueller. En tout cas, si crime il y a, entre guillemets, à qui profite le crime? Quel aurait été l'intérêt des Russes et celui de Trump aussi d'ailleurs, allons-y. C'est quoi le but de la manœuvre? Au départ, les Russes eux-mêmes, on voit selon beaucoup de témoignages, ne croyaient pas à la victoire de Trump, mais le voyaient plutôt comme un agent de déstabilisation du système électoral, un moyen de transformer cette campagne en une campagne d'affaiblissement de la démocratie américaine, de jeter le doute pour très longtemps sur les capacités, voire même la santé, puisque ça a été une des rumeurs que les Russes avaient, la santé de la candidate et de la future présidente Hillary Clinton. Bref, déstabiliser l'institution, montrer aux Occidentaux, mais pour qui vous prenez-vous? Vous voyez bien, vous accusez la Russie de ne pas être un pays démocratique. Regardez quel gabegie, quel chaos, justement, règne dans vos soi-disant démocraties. C'était ça, au départ. Mais il semble que énormément d'éléments se soient joints dans cette affaire, puisqu'on se rend compte que les Russes ont été aiguillés, les hackers russes, les pirates informatiques russes, ont été aiguillés par des gens qui connaissaient extraordinairement bien les détails dans la campagne. On voit qu'il y a eu des tentatives de piratage dans des comtés très précis de Floride ou du Michigan qui étaient censés être clés pour les élections. On pense qu'il y a eu une sorte, on a guidé des poissons pilotes républicains ou proches de la campagne de Trump, ou peut-être des consultants divers, ont aiguillé le requin russe d'une certaine manière pour pêcher des informations dont ils auraient besoin à un moment. Et ça, c'est oui, progressivement, ça a nuit à la campagne, sans aucun doute. Bien sûr. Mais alors, ensuite, quels seraient les intérêts de Poutine, d'ailleurs, quels sont, parce que maintenant c'est la réalité, d'avoir plutôt Trump comme président aux États-Unis que Mme Clinton? Ah, Trump, pour des raisons qu'on découvrira sans doute avec l'enquête, avait un intérêt précis à être en bonne relation avec les Russes. Est-ce que c'est une question d'un chantage? Est-ce que c'est par conviction personnelle? Est-ce que c'est par admiration pour le dictateur? Particulièrement, ce que voulaient les Russes, c'était la levée des sanctions. Oui. Des sanctions qui empoisonnent la vie économique de la Russie et, je dirais, la vie politique de Poutine. Donc c'était vraiment ça l'élément. Et on voit d'ailleurs, avant l'entrée en fonction de Donald Trump, à plusieurs reprises, qu'il y a des tractations. Michael Flynn, qui sera le futur conseiller de sécurité nationale de Trump, discute directement avec l'ambassadeur russe au téléphone de la possible levée des sanctions, qui viennent d'ailleurs d'être renforcées par Obama en réponse au piratage justement du Parti démocrate et autres. Lors de la convention républicaine durant l'été de 2016, toute la plateforme républicaine, toute la plateforme diplomatique et politique du Parti républicain sur les sanctions, sur la question de l'Ukraine et autres, disparaît comme par hasard des débats de la convention. D'un seul coup, les républicains ne parlent plus réellement des Russes. Donc tout ça sont des éléments troublant, qui contribue à rassurer Poutine. Alors, les Russes se seraient aussi procurés des documents confidentiels appartenant au Parti démocrate dans des conditions assez rocambolesques, qui viendraient d'un proche de Clinton, avec des faux mails, des mots de passe. Enfin, c'est une chose assez étrange. Vous pouvez nous expliquer ça? Il y a deux piratages. Il y en a un premier qui commence, je dirais, à l'automne de 2015. Le FBI, d'ailleurs, se rend compte qu'il y a eu un piratage d'un des ordinateurs du Parti démocrate et que cet ordinateur, comme on dit, appelle à la maison toutes les nuits, renvoie des tonnes d'informations vers Moscou. Cet agent prévient maladroitement un technicien du Parti démocrate qui finalement ne fera rien, fait une recherche ou une vérification de sécurité superficielle. Résultat, pendant 9 mois, l'ensemble des informations du Parti démocrate partent à Moscou. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? On le saura. Pour l'instant, ils ne savent pas trop quoi en faire. Plusieurs mois après, à la fin, je dirais, approche de l'été 2016, là, c'est autre chose. C'est dans la campagne de Clinton qu'un faux site, un email apparaît dans la boîte de différentes personnes de la campagne. On leur demande de changer leur mot de passe pour leur email en raison d'un piratage. Ils changent leur mot de passe. En fait, ce email provient de hackers et en quelques minutes, leur compte est ouvert, pillé par les hackers et qui récupèrent des éléments sur la vie de la campagne d'Hillary Clinton. Ces informations, les Russes au départ ne savent pas quoi en faire, mais finalement ils les utilisent pour semer une zizanie incroyable à l'intérieur du parti et à l'intérieur de la campagne d'Hillary Clinton. Ce sont des révélations plutôt sans grand intérêt, si ce n'est qu'elles exacerbent la guerre entre les factions du Parti démocrate et elles aboutissent à la démission de la chef du parti, Madame Weissmann. Elles aboutissent à un embarras réel, plus à plusieurs démissions dans la campagne d'Hillary. Une sensation, je dirais, de déliquescence politique. C'est une ambiance et haute. Et voilà, c'est le chaos semé par les Russes une fois de plus. Alors, on va écouter ensemble un reportage du mois de janvier dernier, diffusé sur la chaîne d'information Euronews, et qui lui aborde les relations entre Trump, et maintenant l'administration Trump, et le président Trump, et le FBI. La bataille entre le FBI et l'administration Trump se poursuit. L'entourage du président américain a promis de rendre public ce jeudi un rapport parlementaire confidentiel qui accuse la police fédérale de parti pris anti-Trump. Le rapport en question émane de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, présidée par cet homme, le républicain Devin Nunes. Le document de 4 pages dénoncerait la partialité du FBI dans l'enquête sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine. Pour les démocrates, c'est une nouvelle tentative des républicains pour discréditer l'enquête ouverte par le procureur spécial Robert Mueller sur une éventuelle collusion entre le Kremlin et l'équipe de Donald Trump. Le FBI met en doute l'exactitude du rapport et s'oppose à sa divulgation, tout comme le ministère de la Justice, car il contiendrait des informations sensibles sur des opérations américaines de contre-espionnage. Alors, durant la campagne, le FBI a enquêté à la fois sur cette ingérence russe, mais aussi sur les emails du camp Clinton, ce qui aurait pu, et a peut-être, porter préjudice à la candidature d'Hillary Clinton. Donc le FBI apparemment n'est pas d'un côté ni de l'autre. Que se passe-t-il donc, là, en ce moment, entre Trump et le FBI ? Il faut dire au départ que James Comey est détesté autant par les démocrates à l'époque de l'affaire des emails d'Hillary, qu'il est détesté par les républicains dans les mois qui vont suivre. Donc il est entre les deux. Là, toute la tactique de Trump est justement de semer le doute sur la légitimité des institutions, sur leur honnêteté et autres. Le FBI n'a jamais été un repère de gauchistes, c'est plutôt même une, je dirais, culturellement... C'est ouvert, culturellement c'est ouvert, c'est la tradition ouvert. Oui, enfin, hein. Plus, je dirais qu'ils essayent d'être beaucoup plus vertueux que ne l'avait été ouvert. Il y a cette idée d'être la vertu, de représenter la vertu du service public, et je crois qu'ils ont fait un énorme travail depuis le 11 septembre, essayer de lutter justement contre cette politisation qui avait marqué pendant toutes les années Hoover le FBI. Et donc ils essayent d'être plus blanc que blanc pendant très longtemps, d'être propre, absolument étincelant. Et je crois que ça leur nuit, parce qu'ils ont un problème, je dirais, de James Comey a un problème de communication. Il craint pour la légitimité de l'institution. Il commet d'ailleurs cette gaffe énorme de rouvrir l'enquête, ou du moins de la façon dont il l'annonce, de rouvrir l'enquête sur les emails d'Hillary, justement pour prouver le caractère apolitique, le caractère neutre, la droiture de l'institution. Et bon, évidemment, il devient la bête noire des démocrates à ce moment-là. Mais ensuite, Trump lui-même essaye d'abord d'obtenir des garanties de la part de James Comey. Il y a ce fameux dîner où il lui demande sa loyauté, comme s'il était un laquais du pouvoir, alors que depuis le Watergate, il est établi que le chef du FBI doit avoir gardé ses distances vis-à-vis du président des États-Unis. Il lui demande allégeance, c'est impossible, la tension monte, en particulier, puisque Trump veut absolument que Comey le disculpe publiquement, et annonce publiquement qu'il n'est pas l'objet d'enquête, que la collusion n'est qu'un leurre lancé par les démocrates, l'affaire de collusion n'est qu'un leurre lancé par les démocrates. Et tout ça, James Comey ne peut pas le faire. Oui, pardon, allez-y, je vous en prie. Il ne peut pas le faire parce que c'est faux, parce que l'enquête suit son cours, parce que le FBI a des éléments, parce que le FBI a surveillé depuis 2014 des gens comme Paul Manafort, dont les activités avec les pays de l'Est, avec l'Ukraine, notamment avec les oligarques russes, sont des plus suspectes, parce que le FBI a entendu de la part du subordonné Papadopoulos des propos qui laissent entendre que la campagne de Trump savait ce qu'il y avait dans les emails piratés de la campagne d'Hillary Clinton bien avant le grand public. Donc voilà, tous ces éléments concourent à mettre Trump en rage et à tenter de saper la crédibilité de l'institution de la police fédérale. Alors, le FBI entre le marteau et l'enclume, la presse aussi, hein, parce que les rapports, on va parler un peu de la presse, entre le président américain actuel et les journalistes sont quand même très difficiles, très compliqués. On va écouter cela à travers une archive et puis on en parle juste après. La guerre se poursuit entre Donald Trump et les médias de son pays. Cette fois, la cible, c'est NBC. La télévision américaine est dans le collimateur du président. Agacé par un reportage, il menace de ne pas renouveler l'autorisation d'émettre de la chaîne. Début octobre, Donald Trump avait déjà estimé que NBC était encore plus malhonnête que CNN. La chaîne avait révélé que Rex Tillerson, son secrétaire d'État, l'avait traité de débile. Philippe Coste, un commentaire, parce que vous connaissez bien, et le journalisme, et les États-Unis. Oui, ce qui est très très frappant depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, c'est l'effort extraordinairement organisé de la campagne de la Maison-Blanche de semer le doute dans l'esprit de la population, d'offrir des explications alternatives à l'enquête qui a lieu contre lui. Et le meilleur moyen est de décrédibiliser de toute information venant de la presse établie, de façon à jeter le doute. Donc une partie de la population maintenant considère que la presse établie, la mainstream media, est complètement l'agent d'un complot politique, d'une sorte de putsch larvé contre le président Trump. Donc c'est un travail de sape préparatoire aux inculpations ou aux révélations que pourrait faire Robert Mueller lorsqu'il a terminé son enquête, pour jeter le doute dès le départ et annoncer que et préparer le moment où ces informations sont présentées simplement comme un complot ou une manœuvre politique pour déstabiliser un gouvernement légitime de Trump. Donc Trump essaie d'empêcher tout empêchement, hein, ça s'appelle l'impeachment. Alors pour le coup, aux États-Unis, on parle toujours de ça depuis Nixon. Ouais. Et tout le monde dit, mais ce Clinton, quand il a été élu, beaucoup ont dit, mais il ne tiendra pas 4 ans, il y aura un impeachment qui arrive, s'il arrive, alors il peut arriver pour d'autres raisons. On peut penser qu'il puisse arriver pour cette enquête-là, qui est en train d'être menée, de l'implication des Russes dans la campagne. Ça peut être un danger d'impeachment pour Trump. Impeachment, pensons que le seul cas avait été celui dans l'histoire récente, avait celui de Bill Clinton, qui s'est achevé finalement par un simple blâme, par une sorte d'acquittement par le Sénat, qui normalement aurait pu aussi bien voter sa destitution. Donc là, tout dépend en fait des résultats des élections au Congrès de 2018. Si une majorité démocrate se dégage de ces élections, les commissions parlementaires se reformeront et commenceront réellement à faire des enquêtes ou à pourrir la vie de Donald Trump, comme aucune des commissions jusqu'à présent républicaines n'a voulu le faire. Au contraire, totalement. Pour l'instant, les commissions républicaines ont procédé à un enterrement de première classe du dossier, dans des conditions d'ailleurs presque amusantes de cynisme. Si ces commissions sont réouvertes par les démocrates, qui sait si on arrivera vraiment à la question d'un impeachment? Qui sait si Robert Mueller trouvera vraiment des éléments qui incriminent directement le président des États-Unis? Mais en tout cas, sa vie politique, sa crédibilité politique sera entachée en permanence par une guerre avec le Congrès qui pourrait miner complètement sa présidence. Mais de là à miser sur une destitution du président, on n'en sait rien et c'est apparemment assez peu. Il est assez peu probable aussi que les démocrates aient intérêt à aller aussi loin dans la judiciarisation de la politique. Très bien, on finira sur cette considération. Philippe Coste, vous étiez en direct et en duplex de New York. Merci pour tous vos éclairages. Au revoir. Je vous remercie. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr. À suivre sur France Inter, juste après le flash, Antoine Decaune qui reçoit aujourd'hui la chanteuse et comédienne Aloïse Sauvage pour la série Possession.